Begins bewitching me. It's that old devil moon that you stole from the skies. It's that old devil moon in your eyes. You and your glance make this romance too hot to handle. Stars in the night blazing their light can't hold a candle to your razzle dazzle. You've got me flying high and wide on a magic carpet ride full of butterflies inside. I want to cry, want to croon, want to laugh like a loon. It's that old devil moon in your eyes. Just when I think that I'm free as a dove, old devil moon deep in your eyes blinds me with love. Thank you. You stole from the skies. It's that whole devil moon. It's that whole devil moon in your eyes. Just when I think that I'm free as a dove, oh devil moon, deep in your eyes blinds me with love. Oh devil moon, deep in your eyes blinds me with love. Always live by this golden rule. Whatever happens, don't blow your cool. You gotta have nerves of steel and never show folks how you honestly feel. I've lived my whole life this way. For example, take yesterday. I breezed home happy, bringing her my pay. Her note read, so long, sappy, I have run away. I threw myself down across our empty bed, and this is what I said. So I went for the road, it at an all-night bar. Wound up so loaded I tore up my car. The judge threw the book at me, and when I read his sentence, there I said, I said, she's the only one I have to thank. And I found her and pulled my gun and fired point blank. The shot whistled right straight past that woman's head and killed my hound dog dead. To say, be cool, hey cool, stay cool, keep cool, cool. Psychedelic Sally, with your painted face. Psychedelic Sally, through my saving grace. Psychedelic Sally, give your soul some time. Whoa, meditate and save your mind. Psychedelic Sally, I've tainted you. Psychedelic Sally, I'm in love with you. Psychedelic Sally, what you searching for? Whoa, find the key and lock the door. Wandering around from town to town, don't know how the deal goes down. Waiting for your lucky break to come. Living life from hand to hand, dancing around from man to man. Boy, you know your feelings will be numb. Psychedelic Sally, what you wanna know? Psychedelic Sally, I love you so. Psychedelic Sally, give yourself a chance. Whoa, come on here and find romance. Mm-hmm. like to come. Living life from hand to hand, passing round from man to man, or you know your feelings will be numb. Psychedelic Sally, don't you wanna know? Psychedelic Sally, I love you so. Psychedelic Sally, give yourself a chance. Whoa, come on here and find romance. Psychedelic Sally, put your pain to face. Psychedelic Sally, be my shining. Do you know what you are? You are what you is. You is what you am. Ain't cow, don't make ham. You ain't what you're not. So you see what you got. You are what you is. And that's all it is. A foolish young man from a middle class family started singing the blues, cause he thought it was manly. Now he talked like a kingfish from a Amos and Andy. He tell you that chitlins, well, they taste just like candy. He thinks that he's got the whole thing down, from the Nivea lotion to the royal crown. Do you know what you are? You are what you is. You is what you am. A cow don't make ham. You ain't what you're not. So you see what you got. You are what you is. And that's all it is. A foolish young man of the Negro persuasion. Persuasion? Did he say persuasion? Devoted his life to become a Caucasian. He stopped eating pork. He stopped eating greens. He traded his dashiki for some Jordache jeans. He learned to play golf, and he got a good score. Now he said to himself, I ain't no nigger no more. Hey, hey, hey, hey. I don't understand you, Bawama Makumba. Would you speak a little clearly, Mercedes Benz? That's your mama, baby. Who is who? I don't know. What? Something I just got to know. And why is this? Somebody tell me now. Appropriate. That's a funny pronunciation if I ever. If you don't lie, where did you get that word? But you have got. You have got. Driving in the dirt. Driving in the dirt, yeah. And let it rot. I can smell it now. Someone else. Here they come, here they come, here they surely come. I told you they were coming. To pick it up. To pick it up, yeah. Cause he wants some. And she wanted for free. And when one day. And then one day. You wonder who. You wonder who. You used to work. Who was it anyway? And what you do. I used to work at the post office. You scratch your head. I scratch my head. And look around. But you lost, just so you see, will not be found. It just can't be found. Do you know what you are? I'm gonna buy me a Mercedes Benz. You are what you is. I need a big red one. You is what you am. I'm about a 450 SLC. It kind of make hair. Oh yeah. You ain't what you're not. Some kind of club sticking out of the trunk. So you see what you got. I'm going down to the Lincoln's. You are what you is. Do you want to see my guano? And that's all it is. I'm hiding from UFO. You are what you is. This is some lumpy gravy you made here. And that's all it is. You look like a damn kabanga. You are what you is. And your mama, oh. And that's all it is. Give me a car with hair. You are what you is. Thank you. While I was down in Tennessee, all my friends was glad to see me. Seen some down by the railroad track, seen some cotton pickers with their sacks on their backs. They say, hey man, we're glad to see you back. We got a new dance they call bacon fat. It goes, oh, have mercy. Help yourself, young. Then you go, oh, but the chicken was never like this. Yeah. Oh, I feel like I wanna holler, but the town's too small. Have mercy. Now then I went down to see my local DJ. His name is Kane, he lived down Tennessee way. I said, hey man, what's this new kind of jump? Well, you wind up twice and then you end up with a bump. He said, dig daddy, this is a natural fact. It's a sweep in the south, that thing, the bacon fat. You go, oh, have mercy. Entertain the people, young'un. Oh, help yourself. Oh, have mercy. Oh, now play it good, now play it good. Yes, but the chicken was never like this. Have mercy. Have mercy, young man. Have mercy. Have mercy. Ça, c'est du joli fond sonore, quand même. Laurent Petit-Girard. Pour le premier bloc, on commençait avec Henri Salvador, qui nous faisait Rock'n'Roll Mops sur Henri Salvador alias N Recording en 1956, avec des paroles de Boris Vian et la musique de Michel Legrand. Carrière sur du long terme, Henri Salvador, avec une éclipse dans les années 80-90, mais on peut dire du long terme. Oui, facilement. Lambert Hendrix and Russ nous faisaient Everybody's Bopping sur The Hottest New Group in Jazz, un truc de 1960. Sont devenus pratiquement le groupe le plus connu de ce genre de musique à une certaine époque. Dave Lambert, John Hendrix et Annie Russ, qui ont joint le groupe par la suite, ils ont fait des trucs qui sont vraiment incroyables. Il existe quelques vidéos, vous pouvez aller voir sur YouTube, Lambert, Hendrix and Russ, et ça vaut vraiment la peine de regarder ça. Ils sont jolis à voir. Old Devil Moon, c'était Bob Dorough qui nous faisait cette pièce sur Devil May Care de 1956. Un drôle de bonhomme, lui aussi, qui a fait du bebop, du cool jazz. Rod Dorough. Ça qui vient de où? Cherry Hill, en Arkansas. Puis, il a travaillé avec Miles Davis, des gens comme ça. Et c'est très plaisant. C'est vraiment extrêmement chouette à écouter, notre ami Bob Dorough. Ensuite, Oscar Brown Jr. nous faisait But It Was Cool sur Sin and Soul and Then Some de 1960. Un type qui s'est beaucoup mêlé des mouvements des droits civiques aux États-Unis, puis qui a fait de la jolie carrière, en fait, puis sur le long terme, lui aussi. Son père, c'est drôle, parce que son père est un avocat et agent immobilier talentueux. Il existait Michel Douanemort qui avait réussi à percer dans certains domaines, et c'était pas toujours évident, même que c'était carrément pas évident. Psychedelic Sally nous faisait, était faite par Eddie Jefferson sur Body and Soul. Eddie Jefferson, est né lui aussi. On a du monde qui sont nés il y a longtemps, en 1918, et mort en 79. Un innovateur dans les vocalises. Ça aussi, c'était vraiment extrêmement chouette. J'y vais rapidement. On arrive au Persuasions qui nous faisait You Are What You Is sur Frankly A Cappella. The Persuasions sing Zappa. Faut dire que Zappa les avait produits à leur début parce qu'ils avaient entendu au téléphone, en fait. Ils chantaient dans une boutique à New York, puis on lui a fait entendre ça. Et on a terminé avec Bacon Fat de Andrew Williams sur Mr. Rhythm Is Moving. The Original 55-60 Fortune Recordings, un truc paru en 2011. Andrew Williams, qui lui aussi, bon, né en 36, est mort en 2019, puis a travaillé avec Marvin Gaye, Stevie Wonder, Ike Turner, et dans toutes sortes de styles. Ouais, c'est lui qui a remontré à jouer du piano à Little Richard ou à cogner sur le piano. Alors c'est comme ça que ça a commencé. Et tant tout à l'heure, ben autre chose. Non, non, non, t'as coupé. Wait, don't put the shit in the forum and don't tell Daddy what can see and see in summer, eh? Was ich der Wahrheit nicht vermocht in zähem Kampfe zu entringen, mag einer, der sie niederfocht, it's euch in eurer Sprache singen. Pidi pidi pa, 5, 6, 7. Pidi pidi pa, pidi pidi pa, pidi pidi pa. Cioè un fantelle d'erbe, e tu fai un elefante verde! Misteri dell'Africa, caro mio! Misteri dell'Africa! Ouais, oui. Quoi? Je mange du pain. Bon, hein, donc, si je suis pain, si on est un, si on est trois, on ferme les yeux. Bon, hein, donc, si on est quatre, si on est cinq, si on est six, si on est sept, bon, hein, donc, si on est huit, si on est neuf, si on est dix, on tue du réglis. François, j'ai compris, maintenant je vais la chanter tout seul. Tout seul, vas-y. Oh Maria, j'aimerais être le Christ sur la croix. Infidèle, je mérite d'être à ton collier d'argent. J'attendrai religieusement que la souffrance inflige à mon corps en âge. Des crises de vertige au-dessus du corsage. Et quand craqueront mes phalanges, alors je serai perdu. Et en saut de l'ange, je plongerai dans l'inconnu. Oh Nadia, j'aimerais être la main de Fatima. Infidèle, je mérite d'être à ton collier d'argent. Et là, j'attendrai religieusement que tu te recouvres d'un voile pour faire naître le mirage. Et dans l'obscurité, je parcourrai les dunes en ermitage, sentant sous mes phalanges le duvet qui se hérisse. J'irai jusqu'au sommet embrasser l'oasis. Oh Rebecca, j'aimerais être l'étoile de David. Infidèle, je mérite d'être à ton collier d'argent. Là, j'attendrai religieusement que la nuit se fige, dégrafant ton corsage. Comme Dieu le fit à Moïse, tu m'ouvriras le passage. Et je serai l'éclairage qui guidera nos ondes pour ce lointain voyage vers l'origine. ça, c'est de la musique. Oui, voilà, avec... ouais, ce rythme, ils ont le rythme dans le sang. La Linea Segundo 8, voilà, Dibi Dibi, c'était Franco Godi qui nous faisait ce truc sur la Linea de 1971. Un compositeur qui est né en 1940 et qui a beaucoup fait, ben, en fait, il a fait bien des trucs pour l'animation, des choses comme ça, mais il a fait énormément de publicité, au point d'être connu. Il avait fait un truc pour les huiles Bertoli, alors les huiles d'olive Bertoli, et il a fini par porter le surnom de Mr. Jingle. Alors j'imagine qu'il a dû en faire vraiment un sacré paquet de pièces pour des compagnies italiennes et autres. Ensuite, Werner Pirchner nous faisait épilogue sur Ein Albes, Doppel-album de 1973. Werner Pirchner, c'est un compositeur autrichien, oui, qui jouait du vibraphone, puis qui a décidé de consacrer les dernières années de sa vie. En fait, il est mort en 2001, né en 40, à la composition uniquement. Alors, au début, il a joué dans le Oscar Klein Quartet, que vous connaissez peut-être pas, et que moi, je ne connais pas. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Ben, il a fait des trucs pour la télé aussi, de toutes sortes de trucs. Il semble avoir travaillé pour lui aussi pour l'animation. Jean-Philippe me dit oui. François de Roubaix nous faisait répétition sur la bande originale du film L'Homme Orchestre. François de Roubaix, vous le savez si vous écoutez régulièrement notre émission, qu'il a fait la musique, entre autres, du Vieux Fusil et le Scoumoun. Pépin et la Bulle, Chapi Chapeau, le Samouraï, les Grandes Gueules, les Aventuriers, le Scoumoun, la Scoumoun, etc. Et L'Homme Orchestre, évidemment. Puis, il est décédé, malheureusement, parce que sa passion était la plongée sous-marine, puis il est allé plonger aux îles Canaries, et ça s'est mal terminé pour lui à ce moment-là, parce qu'il y avait oublié ce qu'on appelle le fil d'Ariane, qui permet, lorsqu'on va dans des grottes ou des trucs comme ça, d'arriver à retrouver son chemin. Mais si vous avez la chance de voir Le Vieux Fusil, regardez-le, ça vaut la peine. Ensuite, Franco Godi revenait avec Boubou Buonabou sur Signor Rossi de 1977. Ça, c'est un truc parce qu'il a travaillé aussi avec un type qui s'appelle Bruno Bozzetto, qui a fait beaucoup de choses en animation aussi, et qui a travaillé entre autres pour Disney. Et tellement d'autres. Adventure Time nous faisait We All Agree It's Grand sur Adventure Time of Beyond de 2014. Je peux vous dire qu'ils viennent de Tokyo et que Tokyo, c'est au Japon. C'est ça. C'est ce que j'ai découvert. Java nous faisait Samba de Jérusalem sur Safari Croisière de 2003. Je ne vais pas souvent au spectacle, mais j'aurais dû y aller. C'est au spectacle de Java quand ils sont venus au Québec en 2005, je pense. Et ils ont joué... ils font ce qu'on pourrait appeler du musette, quand même, avec de l'accordéon, qui a fini par remplacer le musette dans le bal musette. Puis j'aime beaucoup le Java, c'est pas de la Montalo. Java, c'est du rock and roll. Java, c'est le vrai son parigot. La devise, c'est accordéon et alcool. C'est vraiment leur genre. Puis ils ont été dans un festival que j'aime beaucoup le nom, le Festival des Vieilles Charrues. C'est le plus joli nom de festival, je pense, qu'on peut retrouver. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alex Krieger nous faisait Jungla de Pasto sur Secreto y Malibu de 2003. Axel Krieger est né à Buenos Aires en 69, ce qui fait de lui un Argentin. Il est compositeur, musicien, compositeur de musique de film. Il a décidé à l'âge de 18 ans, déjà, ce qui nous mettait dans son cas à peu près en 87, de faire tout. Il s'est acheté un graveur multipiste, puis s'est mis à jouer ses propres trucs, puis à enregistrer tous les instruments qu'il jouait lui-même, parce que il jouait déjà du saxophone, puis il a appris le piano, la flûte traversière, et probablement un peu de percussion. Il a fait partie de quelques groupes aussi parce que sa production solo n'est pas si vaste. On retrouve, semble-t-il, trois albums, peut-être quatre. Mais pas des tonnes. Il a fait partie du Sexteto Irréal aussi, plutôt du côté jazz. Puis il a chanté aussi avec le groupe La Porturia. Pas chanté, mais joué avec le groupe La Porturia, pour lequel il a fait quatre disques. Ben, c'est comme ça que ça s'est passé, ce bloc. Ensuite, on s'en va un peu plus du côté Afrobeat, Jean-Philippe. Jean-Philippe, disons Afrobeat, Afro-DC Orchestra. Afro Latin Vintage Orchestra, ça fait quand même, ça ressemble. Eh oui, ça arrive bientôt. We'll be right back. C'est comme ça que ça se termine pour les échangeurs d'air cette semaine. Évidemment, vous vous doutez que Benoît Arcand est arrivé et s'apprête à faire terre et vague. Qu'est-ce qu'on a eu lors du dernier bloc? D'abord, Sex VV, qui est une pièce de Verkis et l'orchestre VV sur une compilation qui s'appelle Congolese Funk, Afrobeat and Psychedelic Rumba 1969-1978 et une compilation parue en 2014. Notre ami Verkis Kiamwangana Mateta est un saxophoniste qui a joué entre autres avec le très puissant Ok Jazz de François Luambo Makiadi Di Franco. Puis ensuite il a fondé son orchestre VV pour continuer comme ça. Puis il a quitté la musique au début des années 80 pour faire quelque chose. On ne sait quoi. Jungle by Night nous faisait Etiopeno sur un album qui s'appelle Aiden de 2012. Où êtes-vous, Jungle by Night? Voilà ici. Ce sont des gens d'Amsterdam, des Amsterdamois. Puis, pour Tony Allen, qui est un batteur relativement important dans l'histoire de la musique de l'Afrobeat, ils considèrent que c'est le futur de l'Afrobeat, ces gens-là. Ils ont sorti un album qui s'appelle Agmat, qui signifie hamac. C'est très chouette. C'est très chouette. Alors, peut-être qu'un jour, on les verra ici. On ne sait pas. Aphrodisée Orchestra nous faisait Moroccan Dancer sur In the Land of Ayutthaya de 2014. Eux, ils sortent d'Athènes. Alors, ce sont des musiciens grecs qui ont décidé d'y aller dans le funk, le psychédélique, l'afrobeat et tout ça, et de mêler des langues du monde entier, tout ça, à ce qu'ils font, en jouant des instruments traditionnelle, j'ai l'impression que ces gens-là ne font pas partie d'Aube Dorée. C'est drôle, hein? C'est une impression comme ça. Alors, des vraiment excellentes musiques aussi. Joshua Abrams nous faisait San Anto sur Representing de 2012. Type qui joue de plein d'instruments, il joue du jazz, il joue avec plein de monde. Il faisait partie du groupe Square Roots, qui est devenu The Roots. Puis il a joué dans Tortoise aussi, groupe qu'on a fait jouer quelques fois à une certaine époque. Et nous avons terminé avec... j'ai essayé de trouver des informations sur Afro Latin Vintage Orchestra et j'ai fini par en trouver. Ce sont des Français qui font du jazz funk, Ethio Groove. Et des trucs comme ça, mais il n'y avait pas une tonne d'informations sur eux. Et nous avons terminé avec Akale Ube, qui nous faisait Kulun Mank Leshi sur Akale Ube Plays Ethiopian Groove Greatest Hits de 2009. Ils sortent de où? Ils sortent de France aussi. Ils font du funk jazz, l'Ethio Jazz aussi. C'est très populaire maintenant chez beaucoup d'Européens. Et c'est ainsi que ça se termine. J'ai simplement à vous dire à la semaine prochaine.